A priori, le vide, c'est simple, c'est quand il n'y a plus rien. Une fois qu'on a dit ça, on peut constater l'ampleur de la complexité de cette assertion et de la fausseté de cette réponse. C'est quoi exactement rien ? Est-ce qu'il peut ne rester rien ? S'il n'y a plus de matière, quid de l'énergie ? S'il y a un photon, ce n'est déjà plus rien. Et lorsqu'on porte la question à l'échelle quantique, c'est tout un nouveau pan de réflexion qui s'ouvre. Que sont les fluctuations du vide ? Quid des paires particules-antiparticules qui s'annihilent immédiatement après avoir été créées ? Pourquoi le vide quantique est-il plus plein lorsqu'on le mesure sur une échelle de temps plus courte ? Faites le vide dans votre esprit, on va vous le remplir de vide quantique. Quantique, voir le vide à moitié plein, c'est le programme bien rempli qui est le nôtre. Voleur qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour explorer ce vide quantique et comprendre de quoi il est composé, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, chercheur au laboratoire Kessler-Brossel de l'École normale supérieure. Et Patrick Peter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, physicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais avant de faire le vide, on fait le plein d'informations scientifiques toutes fraîches avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Nature Astronomy. Pour la première fois, les astronomes ont observé une galaxie lointaine sur le point de mourir. Oui, grâce à ALMA au Chili, le plus grand radiotélescope au monde, une équipe internationale a observé la galaxie ID 2299. Une galaxie massive, lointaine, très lointaine, dans l'univers jeune, à seulement 4,5 milliards d'années après le Big Bang. Elle forme des étoiles 500 fois plus vite que notre Voie lactée, mais les chercheurs l'ont observée en train d'éjecter du gaz à une vitesse surprenante. Une éjection titanesque, pour reprendre les termes de ce papier. Elle éjecte chaque année dans l'espace intergalactique l'équivalent de 10 000 soleils. Et à ce rythme, la galaxie sera à court de gaz dans quelques dizaines de millions d'années. Alors, observer le début de ce processus, une galaxie sur le point de mourir au tout début de l'univers, c'est une première. Mais en plus, les chercheurs ont découvert que cette extinction n'est pas provoquée par un trou noir, mais par la collision de cette galaxie avec une autre. Les fusions de galaxies peuvent donc être mortelles. Et puis on retrouve également cette étude ainsi que toutes les autres, comme tous les jours, sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue JAMA, les asymptomatiques au Covid-19 représentent la moitié des nouvelles contaminations au SARS-CoV-2. Mais depuis le début de cette pandémie, nous savons que les personnes asymptomatiques peuvent propager la maladie, mais nous ne savions pas jusqu'à quel point. Pour quantifier cela, cette équipe américaine a modélisé les émetteurs de Covid-19 en trois groupes. Les pré-symptomatiques, ceux qui n'ont pas encore de symptômes, les jamais symptomatiques et les symptomatiques. Ils ont ensuite calculé les taux de transmission si tous ces groupes se déplaçaient au hasard. Selon différents scénarios, si le pic d'infectiosité se produit après 3, 4, 6 ou 7 jours, il apparaît que les personnes sans symptômes de Covid-19 sont responsables d'au moins 50% des nouvelles infections. Selon une prépublication sur le site Archive, quand les trous noirs absorbent du plasma près de l'horizon des événements, ils perdent de l'énergie. Et l'horizon des événements, c'est la limite au-delà de laquelle rien ne peut échapper à l'attraction gravitationnelle d'un trou noir. Ces deux astrophysiciens américains aurait identifié un nouveau mécanisme d'interaction entre les champs magnétiques et les particules à proximité de cette zone. Les champs magnétiques autour d'un trou noir peuvent changer la vitesse et la trajectoire des particules de plasma. Selon ce papier, certaines particules sont accélérées et d'autres sont décélérées. Elles prennent alors une valeur d'énergie négative. Lorsque le trou noir avale enfin ces particules de plasma décélérées et que les particules accélérées s'échappent, l'énergie du trou noir diminue. Si cette prépublication est validée, cela permettrait de mieux estimer la masse et la rotation des trous noirs. Et pour finir, selon une étude parue dans Science Advances, la bactérie, elle aussi aurait un cycle circadien. Une équipe chronobiologiste a étudié Bacillus subtilis, une bactérie que l'on trouve dans le sol. Ils ont observé son activité génique lorsqu'elle est plongée dans l'obscurité permanente, puis lorsqu'elle est exposée à un cycle quotidien de 12 heures de lumière suivi de 12 heures d'obscurité. Ils ont ensuite testé des cycles de température pour simuler les changements de chaleur du jour et de la nuit. L'expression des gènes de Bacillus subtilis montre que son fonctionnement moléculaire s'adapte à l'heure de la journée dans des cycles de lumière ou de température de 24 heures. Les bactéries aussi sont soumises aux diktats d'une horloge biologique. Et comme vous, Natacha, puisque la nuit tombe, vous pouvez aller vous coucher, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Qu'y a-t-il de plus passionnant à étudier que le vide? Plein de choses, me direz-vous, mais je dois avouer que le vide se classe dans le haut de mes sujets de prédilection, de ces sujets qui, lorsqu'on s'y penche, dévoilent de nouveaux niveaux de complexité. Et plus on s'y intéresse, plus ils révèlent de la finesse et de la sophistication. Nous avons déjà consacré d'ailleurs quelques émissions à cette notion de vide, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement au plus plein des vides, le vide quantique. Pourquoi plus plein? Bien parce que selon les diverses théories de fluctuations quantiques du vide, ce vide quantique ne cesse d'être rempli d'énergie, de particules et d'antiparticules. Et pour commencer, retrouvons donc notre immarcessible Gaston Bachelard pour nous expliquer simplement que le vide n'existe pas. Il ne peut y avoir de vide dans le monde parce qu'il ne peut y avoir d'espace qui perde son caractère étendu. Descartes, en toute occasion, a renouvelé son affirmation sur l'impossibilité du vide. Lorsque Pascal parlait du vide à la partie supérieure du tube de Torricelli, Descartes affirmait qu'au fur et à mesure que le mercure descend dans le tube, la matière subtile traverse le verre pour venir remplacer le mercure. Voilà Gaston Bachelard en 1952 sur cette inexistence du vide, peut-être une réaction à cette voix chaloupée de Gaston Bachelard, Serge Reynaud. Oui, alors c'est l'une des nombreuses versions des discussions sur le vide dans l'histoire. Il y en a eu beaucoup depuis que les gens s'intéressent à la physique. Et bon, celle-ci, Bachelard fait explicitement référence à Descartes. Donc c'est une des versions de l'âge classique qui a en fait été démentie par l'évolution de la physique ensuite, puisque on a appris, donc pendant la période classique de la physique, à faire le vide dans une enceinte avec une pompe à vide. Donc dans une enceinte normale, il y a un certain nombre de molécules. Quand on arrive à fermer cette enceinte et à en enlever les molécules, il reste le vide et ça se voit par de nombreux effets, dont le plus courant est ce qu'on appelle la pression. C'est-à-dire si on a mis un appareil qui mesure la pression dans cette enceinte, on va voir la pression diminuer parce que à la pression normale, comme on dit, ça serait les molécules dans l'enceinte qui presserait sur la surface qui mesure la pression, et quand on a enlevé ces molécules, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus de pression. Bon, donc là, on reviendra, je pense, sur cette question. Sur cette exception. Je précise juste pour nos auditrices et nos auditeurs que nous avions consacré une émission entière justement à l'historique et à l'histoire, le vide vu par l'histoire des sciences et comment, au fur et à mesure des époques et des découvertes, on a appréhendé de mieux en mieux ce concept de vide. Donc, c'est pour dire qu'on va pas refaire toute cette histoire-là et qu'on va se concentrer aujourd'hui sur le vide quantique. Je voulais peut-être demander à Patrick Peter aussi son écoute ou son analyse ou son ressenti vis-à-vis de cet archive de Gaston Bachelard. Ah, ben c'est effectivement toujours amusant d'entendre Gaston Bachelard mentionner Descartes, surtout quand on sait que Descartes a une contribution philosophique très intéressante, mais au niveau scientifique, il a, comme le disait Serge à l'instant, surtout commis des erreurs, en particulier en ce qui concernait la gravitation. Et c'est vrai que, bon, moi, je vois plus le vide au niveau gravitationnel, et les effets du vide en termes gravitationnels sont réellement bien plus importants que ce qui était mentionné à cette époque. Alors peut-être qu'on peut tomber ensemble d'accord maintenant sur ce qu'est l'acception contemporaine, scientifique, du vide. Serge Reynaud, si tant est qu'on puisse le trancher de manière définitive, en tout cas, quelle serait, vous, votre définition aujourd'hui du vide par extension, du vide quantique? En fait, pour arriver à cette définition, je vais me servir de l'introduction que vous avez faite là avec Bachelard, qui est bien utile quand même, parce qu'effectivement, mettons à la fin du 19e siècle, le vide, c'est ce qu'il y a dans une enceinte qu'on a vidée. Mais à ce moment-là se développe la physique statistique classique avec une question très importante qui est quel est l'état du champ électromagnétique? Est-ce qu'il reste du champ électromagnétique dans cette enceinte? Ce qu'on appelle pendant longtemps le problème du rayonnement du corps noir, avec une vraie impasse théorique pour la physique classique, et cette impasse va déboucher sur la physique quantique. Donc en fait, pour répondre à la question à la fin du 19e siècle, dans l'enceinte, il reste encore des fluctuations de champs électromagnétiques. Alors par fluctuation, ce qu'on veut dire, c'est des écarts à la valeur moyenne qui est nul dans le vide. S'il n'y a pas de champ particulier, le champ moyen est vide. Mais en permanence, il y a des écarts à ce champ moyen. Et ces écarts continuent à exercer une pression. C'est-à-dire qu'on pourrait mesurer la pression du rayonnement du corps noir à une température donnée. Et en fait, ça va être le premier grand succès du XXe siècle d'expliquer cette loi du rayonnement du corps noir avec la loi de Planck, qui est la première loi quantique, qui dit qu'il y a un certain nombre de photons qui restent dans cette enceinte à température non nulle. Par contre, dans cette loi de Planck de 1900, si on descend la température à zéro, il ne va plus y avoir de photons. Donc on va avoir une nouvelle définition après la première loi de Planck en 1900, qui est que pour faire le vide dans une enceinte, on commence par enlever les molécules, puis on enlève le champ en refroidissant la température. Et là, en 1900, les physiciens pensent qu'il ne reste plus rien. En fait, il se trompe encore. Il reste les fluctuations du vide quantique qui vont émerger petit à petit au début du XXe siècle. Et c'est d'abord Planck, avec le soutien de Einstein et de quelques autres physiciens, qui va développer les arguments pour dire que, des arguments compliqués à expliquer et qui ne sont plus vraiment recevables aujourd'hui, disent qu'on est obligé de considérer qu'il y a encore des fluctuations, même à température nulle. Et ces fluctuations, à l'époque, les physiciens les appellent les fluctuations de point zéro, parce que c'est des fluctuations qui subsistent à température nulle. Elles ont le même statut que les fluctuations de champ à température non nulle, mais elles sont encore là quand il y a encore de la température. En quelque sorte, elles sont les ancêtres des fluctuations du vide, qui vont être confirmées par la mécanique quantique quand elle va naître. Si on devait résumer, je vais vous laisser évidemment préciser, affiner ce résumé, Patrick Peter, on peut dire, ou aujourd'hui on peut s'accorder à dire, qu'on entend par vide l'état de plus basse énergie pour tous les champs physiques dans un espace donné. Oui, en gros, comme encore une fois, comme vient de le dire Serge, on entend par vide essentiellement. Alors, en cosmologie, les définitions sont certaines fois un petit peu différentes, mais pour nous, c'est surtout l'état dans lequel finalement il n'y a plus guère que des fluctuations. C'est-à-dire que la valeur moyenne, donc l'énergie en quelque sorte, est vraiment minimale. La valeur moyenne est essentiellement nulle, et puis il ne reste que des fluctuations. Mais alors, du coup, s'il... Fluctuations d'origine quantique. Oui, c'est ça, voilà, des fluctuations d'origine quantique. Parce que quand on est dans ce système, ou alors peut-être, Serge Reynaud, une réaction à cette définition de l'état de plus basse énergie dans un espace donné? Oui, ça va être la définition quantique. Donc là, on passe à après 1925, quand la théorie quantique commence à être capable de fournir des prédictions théoriques raisonnables et de les confronter à l'expérience. Donc, il se passe quelque chose d'important qui est ce qu'on appelle les inégalités de Heisenberg. Mmh. Donc, les inégalités de Heisenberg, effectivement, vont avoir comme conséquence les fluctuations du vide. Alors, j'explique les inégalités d'une façon plus simple d'abord. Imaginons que vous regardez un pendule comme dans les vieilles horloges comtoises, donc le balancier qui mesure le temps, et vous arrêtez ce pendule, donc vous le mettez au repos. Donc à première vue, il n'y a plus rien qui bouge. Si vous le regardiez de façon très très précise, vous verriez qu'il continue un petit peu à bouger, il a encore des fluctuations, parce qu'il y a des molécules qui viennent frapper le balancier, il y a du rayonnement lumineux qui vient frapper le balancier, donc en fait tous ces impacts le mettent un petit peu en mouvement. Donc si on pouvait le voir avec une grande précision, on le verrait un petit peu bouger. Mais en physique classique, on peut considérer par la pensée qu'en principe, on peut l'arrêter complètement. Il ne bouge plus du tout. Il est à un endroit donné, à un point donné, et il n'a plus de vitesse. Voilà. Et ça, la mécanique quantique, les inégalités de Heisenberg, l'interdisent en principe. C'est-à-dire qu'en principe, si vous êtes capable de regarder un oscillateur harmonique, comme on dit de façon générique, c'est-à-dire le pendule qui évoluerait normalement à une fréquence fixe, si vous êtes capable de le regarder avec une assez grande précision, eh bien vous verrez qu'il n'est jamais au repos, parce qu'il ne peut pas avoir une position fixe et une vitesse fixe. Et on dit en termes de statistiques que la position et la vitesse ont des dispersions, elles ne peuvent pas être exactement définies, elles ont des dispersions, et le produit de ces dispersions est supérieur à une certaine constante qui est liée à la constante de Planck qui caractérise l'ensemble de la physique quantique. Et donc, on ne peut pas avoir un pendule au repos. Donc ça, c'est les fluctuations de point zéro pour un objet matériel. Je reviendrai peut-être aux fluctuations du vide. Oui, on va bien sûr y revenir. Est-ce que vous vouliez peut-être, Patrick Peter, compléter, parce que là on va parler en fait de différentes acceptions du vide quantique. On va parler du vide quantique théorique, on va parler du vide quantique cosmologique, on parlera aussi du vide quantique en optique quantique, donc de différentes acceptions. Est-ce que vous voudriez vous peut-être, Patrick Peter, compléter à travers votre prisme cosmologique ce que l'on entend aujourd'hui concrètement par vide quantique et notamment via ces inégalités d'Heisenberg que vient de décrire Serge Reynaud. Oui, alors tout à fait. En réalité, l'exemple de l'oscillateur harmonique que Serge Reynaud considérait est un exemple qui, chez nous, est absolument crucial. D'abord, comme on l'entend assez souvent, c'est l'objet physique que tout le monde étudie en premier lieu, parce que c'est l'objet physique qu'on peut résoudre explicitement. Mais puis, surtout, plus important, c'est aussi l'objet physique qui, quelque part, décrit le mieux, y compris notre univers. C'est-à-dire que tout ce qu'on observe comme fluctuation dans l'univers est originaire des fluctuations donc dites de point zéro d'un oscillateur harmonique ou d'un ensemble d'oscillateurs harmoniques qui sont en fait tous les modes possibles de vibration de l'univers à toutes les échelles. Et de là, on arrive à reconstruire en gros toute la matière qui existe dans l'univers. Mais j'y reviendrai probablement tout à l'heure. Oui, on en reparlera de ça évidemment. Donc pour résumer sur cette partie de définition, on pourrait se dire que finalement, et on va reparler évidemment des fluctuations quantiques du vide. On va reparler de tout cela dans quelques instants. Mais si on devait s'en tenir à cette définition préliminaire, on peut dire que finalement, effectivement, du point de vue de la mécanique quantique, il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours soit du mouvement, soit des fluctuations, quelque chose en tout cas, avant même de parler de l'apparition spontanée du haut particule-antiparticule. Serge Reynaud ? Oui, c'est-à-dire le vide, c'est l'état d'énergie minimum, c'est comme ça qu'on le définit, mais il n'est pas à strictement parler vide. Il est rempli de fluctuations quantiques. Donc, je disais tout à l'heure, pour un oscillateur harmonique, il va rester un mouvement pour cet oscillateur. Si on considère le champ électromagnétique, puisque c'est là qu'on va vraiment parler du champ du vide quantique par la suite, pour le champ électromagnétique, chaque mode du champ, c'est-à-dire chaque oscillation du champ à une fréquence, une direction et une polarisation donnée, c'est un oscillateur harmonique. Pour les physiciens, c'est la même chose. Et cet oscillateur harmonique a des fluctuations quantiques, des fluctuations de point zéro. Alors, en pratique, l'énergie d'un photon, c'est le produit de H, la constante de Planck, par la fréquence de l'oscillateur, et l'énergie de point zéro, c'est la moitié d'un photon. C'est étrange, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Et donc, le vide, c'est ça, c'est l'énergie de ce qui reste quand on a tout enlevé, qui fait exactement un demi-photon par mode, qui est pas un photon, puisqu'évidemment, on ne sait pas faire un demi-photon, mais on reparlera peut-être plus tard de ce que sont ces fluctuations. Mais le vide, donc, on le définit comme ça, et de façon un petit peu paradoxale, parce qu'on est en train de le définir comme quelque chose qui n'est pas vide, mais dans lequel il se passe beaucoup de choses. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc du vide quantique, qui n'est pas vide comme on vient de l'entendre, en compagnie de Serge Reynaud et de Patrick Peter. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin et essayer d'expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs ce qu'on entend précisément lorsqu'on parle de cette fluctuation quantique du vide. À partir de quel moment d'ailleurs, Serge Reynaud, est-ce qu'on commence à se dire que ce vide quantique, en fait, il est bouillonnant, il est agité, bouillonnant, j'utilise ce terme à dessein? Alors, la première fois où la notion de fluctuation du vide apparaît, c'est sous la plume d'un physicien du début du XXe siècle, Walther Nernst, qui est bien connu pour de nombreuses autres choses qu'il a faites, qui connaît très bien Planck et Einstein, qui discute souvent de ces questions-là avec eux. Et c'est lui qui réalise que ce qui est vrai pour l'oscillateur harmonique, je vous disais tout à l'heure, Planck découvre les fluctuations de point zéro, il les découvre pour l'oscillateur harmonique matériel. Donc Nernst, qui sait, comme les autres, comme ses autres collègues, que le champ électromagnétique est une collection d'oscillateurs harmoniques, il dit, ces fluctuations de point zéro, il faut les attribuer aussi au champ électromagnétique. Donc ça, c'est un pas en avant considérable. Ça a été fait il y a plus de 100 ans. Ça pose un problème dont on va, je pense, reparler, qui est le problème de l'énergie du vide. C'est-à-dire que le demi-photon par mode qu'on met dans chaque mode, comme il y a énormément de modes, ça finit par faire beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie du vide. Et cette énergie du vide, on ne la voit pas en particulier par l'intermédiaire des phénomènes gravitationnels. Donc ça, c'est un problème qui est repéré depuis Nernst, en 1918, qui est un problème très sérieux pour la physique, qui n'a pas vraiment de solution aujourd'hui. On doit encore vivre avec ce problème. C'est un des nombreux problèmes à l'interface entre la théorie quantique et la physique de la gravitation. Et on va évidemment reparler de ce qu'on entend par énergie du vide. Patrick Peter, peut-être qu'on peut dire un mot aujourd'hui de ce qui se passe justement dans cet espace vide, et notamment de quelque chose qui est important et intéressant, dont on pourra reparler d'ailleurs tout à l'heure en cosmologie, c'est-à-dire de ces apparitions spontanées de particules antiparticules. Qu'est-ce que c'est que exactement que cette production de quelque chose, on va pas dire de matière, mais en tout cas de masse, en tout cas à partir de l'énergie du vide. Et, là encore, on en revient à la notion de fluctuation, c'est-à-dire que comme le monde quantique est rempli de fluctuations, il est tout à fait possible que, encore une fois, pourvu qu'on respecte les fameuses inégalités de Heisenberg dont on parlait précédemment, de créer des paires de particules, antiparticules, pourvu qu'on les fasse pendant un intervalle de temps qui satisfasse ces inégalités. Donc ça, c'est effectivement une première méthode pour avoir une énergie du vide en plus de l'énergie 2.0. Mais sinon, si je peux me permettre une petite digression, le lien par rapport à la physique gravitationnelle, vous savez que Einstein obtient ses équations du champ de relativité générale en 1915, dans laquelle il n'y a pas le vide a priori, le vide a une énergie nulle dans ses équations de 1915, et il rajoute ce terme, ce qu'on appelle le terme maintenant de constante cosmologique, en 1917, après s'être aperçu que mathématiquement il était admissible, même si il ne semblait pas avoir d'incidence réelle dans l'espace qui nous environne, dans le système solaire. Mais enfin, il était mathématiquement admissible et donc il n'avait aucune raison de ne pas le mettre. Et il est maintenant identifié comme étant là. Et alors, on appelle cette constante cosmologique énergie du vide. Il n'est pas absolument clair que cette densité d'énergie du vide contenue dans la constante cosmologique soit liée aux fluctuations quantiques du dit vide. C'est pas évident, c'est pas impossible non plus, mais c'est pas clair du tout pour le moment. Qu'est-ce qui permet en fait de postuler, Serge Reynaud, que du vide émergent justement ces couples particules-antiparticules qui s'annihilent quasiment immédiatement? On est à des échelles de temps qui sont de l'ordre de l'échelle de Planck, donc dans des temps qui sont vraiment extraordinairement brefs. Mais pourquoi est-ce qu'on postule ça et qu'est-ce qui permet finalement intellectuellement d'estimer qu'il y a cette activité dans le vide spontanée de création de masse à partir de l'énergie? Le vide quantique du champ électromagnétique, qui est celui sur lequel on va discuter ensuite un certain nombre d'effets physiques observés dans les laboratoires aujourd'hui, c'est le vide du champ électromagnétique. Donc c'est ce qui correspond en termes de fluctuation au photon, c'est-à-dire la lumière. La lumière telle qu'on la connaît et tous les champs électromagnétiques qu'on connaît bien, ces champs fluctuent. En fait, en théorie quantique des champs, toute la matière est constituée de champs, et donc tous les champs fluctuent. Donc les champs qui constituent les électrons sont aussi des champs quantiques. On sait qu'ils sont associés à des antiparticules, donc les anti-électrons, mais c'est vrai pour toutes les particules. Toutes les positrons, oui. Ont leurs antiparticules, et donc parmi toutes les fluctuations qui existent en physique quantique, il y a ces fluctuations particules-antiparticules qui ont également des effets physiques, mais en général à des énergies qui ne sont pas du tout les mêmes. Parce que pour créer une paire particules-antiparticules, il faut une énergie colossale, puisqu'il faut créer deux fois la masse de l'électron, et donc ça va créer des conséquences à des fréquences très élevées. Donc ça va se voir sous la forme de corrections radiatives, en particulier en omniprésente en physique des particules, mais ça ne se verra pas comme des fluctuations sur un écran, comme je vous dirai tout à l'heure par exemple en optique quantique. Oui, on reparlera dans quelques instants de l'optique quantique. Un mot, Patrick Peter, sur ces formations particules antiparticules à partir du vide. Ce qu'on peut dire, c'est que ces apparitions, ces formations de duos particules antiparticules sont rendues possibles ni plus ni moins que par la relativité générale, c'est-à-dire à savoir l'équivalence entre les rapports d'équivalence entre de la masse et de l'énergie, c'est-à-dire la production de masse à partir d'énergie une fois de plus. Oui, alors ça, c'est même la relativité restreinte. Restreinte, oui, pardon. En plus, on en parlait la semaine dernière. On en parlait jeudi dernier. Non, mais on le voit aussi souvent en relativité générale. Bon, il y a l'exemple classique du rayonnement des trous noirs. Stephen Hawking avait montré dans les années 70 qu'en effet, les fluctuations quantiques, donc comme vous aviez cité, les paires particules-antiparticules, celles-là, parce qu'il faut bien voir que le vide, c'est le vide d'un champ donné. C'est pour ça que Serge Reynaud précise systématiquement que, par exemple, en optique quantique, les gens travaillent sur le vide du champ électromagnétique. En cosmologie, on travaille beaucoup sur le vide d'un champ, d'un autre champ qu'on appelle le champ d'inflaton, par exemple. sable, qui est aussi le vide du champ gravitationnel. Là, ça commence à devenir un tout petit peu plus délicat. Mais quand vous avez un trou noir, par exemple, avec un horizon, il peut se faire, pourvu que le trou noir soit assez petit, que les effets de marée du champ gravitationnel déforment les productions de paires particules-antiparticules, de sorte que l'une des particules peut tomber à l'intérieur du trou noir, alors que la deuxième en sort. Et donc, c'est une manière d'extraire, en quelque sorte, de l'énergie de l'intérieur du trou noir par des fluctuations quantiques du vide via des productions de paires particules-antiparticules aux abords de ce trou noir. C'est le rayonnement de Hawking, par ailleurs. C'est le rayonnement de Hawking, absolument. Mais c'est une approche un petit peu différente. C'est un petit peu la même chose qui se produit en cosmologie avec le champ d'inflaton, cette fois-ci, pendant la phase d'inflation, où les fluctuations quantiques, encore une fois, du vide de l'univers, de l'inflaton, sont à ce moment-là amplifiées par par les effets gravitationnels, par l'expansion de l'univers. Mmh. On va continuer à parler de ce vide quantique. On va voir qu'il n'est pas que théorique, hein, que certaines expériences peuvent prouver ou en tout cas apporter eh bien une pierre à l'édifice de ce vide quantique, eh bien de façon expérimentale et empirique et pas uniquement théorique. On parlera également d'optique quantique, de cosmologie, tout ça dans la deuxième partie de cette émission. Mountain Station, adios à 16h33 sur France Culture et comme toujours en soutien eh bien, à la scène musicale indépendante française pendant cette période si compliquée pour toutes les industries culturelles. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard, vous pouvez retrouver l'écrasante majorité des titres que nous avons diffusés eh bien, toujours en soutien à cette scène musicale indépendante via une playlist sur la plateforme Spotify. On essaiera peut-être de la mettre sur d'autres plateformes plus tard. On va vous mettre le lien vers le fil sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pourrez retrouver donc tous les titres que nous avons diffusés depuis plusieurs semaines déjà, depuis je crois le mois de novembre au moins. Oui, puisque c'était pour le deuxième confinement. Bref, tout ça pour vous dire que nous parlons aujourd'hui du vide quantique en compagnie de Serge Reynaud, qui est directeur de recherche CNRS, chercheur au laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure, et Patrick Peter, qui est directeur de recherche CNRS, physicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. On va parler donc des preuves expérimentale de ce vide ou de la nature de ce vide quantique dans un instant, mais pour montrer eh bien que ce vide quantique est bien réel expérimentalement, on va s'intéresser à l'optique quantique, un domaine où les fluctuations quantiques du vide sont eh bien un domaine d'étude bien concret, comme le prouve votre reportage précisément au laboratoire Kastler-Brossel. Vous êtes rendu, Céline Dozen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, tout à fait, au LKB, on mène des expériences pour étudier les effets du vide quantique sur la lumière, car la lumière, qui est un champ électromagnétique, est en fait constamment perturbée par l'énergie du vide. Alors pour les physiciens qui travaillent en optique quantique, cela pose un certain nombre de problèmes, car les mesures sont systématiquement altérées par cette forme de bruit. L'équipe dirigée par Nicolas Treps travaille avec des lasers femtosecondes sur de grandes tables optiques pour arriver à mesurer sur des temps d'impulsion lumineuse l'influence des fluctuations quantiques du vide. Alors, il s'agit de physique très fondamentale, mais qui a une portée très intéressante pour des futures applications dans le domaine des communications quantiques. Ce qui se passe, c'est que quand on étudie la lumière quantique, le premier effet qu'on voit finalement, c'est que la lumière est affectée d'un bruit de fluctuation. Quand on la mesure, c'est jamais parfait, et en fait, on voit tout à fait que ces fluctuations viennent du vide quantique. Donc les mesures qu'on fait avec de la lumière sont directement limitées par les fluctuations quantiques du vide. Vous voulez dire que la lumière est perturbée d'une certaine manière par les fluctuations quantiques du vide sur sa vitesse, ses propriétés ? On peut tout à fait imaginer en effet que la lumière est un objet classique, finalement quand on a une petite intuition, sur laquelle se rajoutent les fluctuations du vide. Et donc quand on va vouloir mesurer l'amplitude, l'énergie de la lumière ou sa phase, eh bien, on sera limité par ça, très directement. Alors, souvent, en optique quantique, on parle assez peu d'apparition de paires de particules antiparticules. Les fluctuations quantiques de la lumière viennent directement du fait qu'en mécanique quantique, on a des quantités qui ne commutent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer simultanément, avec la même précision, deux quantités. C'est plus connu pour les particules, où on sait qu'on ne peut pas mesurer la vitesse et la position d'une particule avec une précision infinie. Le principe d'indétermination. C'est exactement le principe d'indétermination de Heisenberg. Et c'est la même chose pour la lumière. Et les quantités associées, c'est plutôt la puissance de la lumière et sa phase. Et ça vient de cette indétermination-là qui est valide dans le vide, de la même façon. Voilà, donc là c'est notre couloir avec un certain nombre d'expériences. On est ici au sous-sol de l'université, enfin au niveau rez-de-chaussée. Et voici la salle d'expérience en question. Allons-y. Alors il faut mettre des surchaussures pour éviter de faire trop de poussière. Voilà, donc là nous on rentre dans le couloir où on a deux expériences les unes à côté des autres. Et alors notamment sur la deuxième ici, il y a un doctorant qui travaille, Paul. Qui est là. Bonjour. Donc ce sont des tables optiques avec beaucoup de lasers, beaucoup d'instrumentation. Voilà, donc ce que vous avez ici, c'est deux grandes tables optiques sur lesquelles ben, à chaque fois l'élément principal, en effet, c'est le laser. Alors pourquoi le laser ? Parce que le laser, c'est finalement la lumière la plus propre qu'on puisse faire classiquement. Et dans un certain régime, c'est vraiment celle qui nous permet d'être sensible aux fluctuations quantiques du vide. Propre dans le sens cohérente Alors propre, effectivement, ça veut dire dans le sens cohérente. Et donc, dans le fait, finalement, ce que j'aime bien dire quand je fais des cours, c'est que le laser, c'est vraiment la lumière comme on l'apprend à l'école, c'est l'onde qui oscille, comme on peut la dessiner. Alors qu'on sait bien que la lumière d'une lumière blanche, c'est plein de petites ondes superposées. Voilà, donc c'est propre dans ce sens-là, c'est tout à fait cohérent et avec un minimum de bruit. Voilà, et après, alors on peut le regarder sur cette expérience-là. Ce qu'on va faire, nous, avec ce genre d'expérience, c'est qu'il y a beaucoup d'optique, hein, c'est une petite forêt d'optique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part de laser femtoseconde. Alors, femtoseconde, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que notre laser émet des impulsions optiques extrêmement courtes. Si on veut comparer cette durée-là à une seconde, la comparaison qui marche, c'est la même chose que l'épaisseur hein, d'un cheveu par rapport à la distance entre la Terre et la Lune. Donc, ça donne quand même une petite idée des ordres de grandeur. Et quand on vient mesurer le temps d'arrivée de cette impulsion, par exemple, eh bien, on est limité par les fluctuations quantiques associées. Voilà, donc nous, on s'intéresse ici, c'est un laboratoire de recherche fondamentale, on essaye de s'approcher des applications, mais la distance elle-même est un petit peu artificielle. Ce qui nous intéresse, c'est la mesure, quelle est la meilleure mesure qu'on peut faire et comment on peut se placer dans un régime où on est limité par les fluctuations quantiques du vide. Donc à la fois, on s'approche d'une application, et à la fois, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'étudier ces fluctuations quantiques du vide. Le côté fondamental est essentiel. Mais quand on parle de vide quantique, ça nécessite des contraintes expérimentales Alors, quand on parle de vide quantique, c'est vrai qu'on pense tout de suite qu'il faut faire le vide. Mais pour la lumière, elle se propage dans l'air quasiment sans être perturbée. Donc finalement, pour étudier le vide quantique de la lumière, il n'y a pas besoin de faire tellement de choses, en tout cas au niveau du vide. Donc l'expérience que vous avez devant ici, il n'y a pas d'enceinte à vide, du tout. C'est inutile en fait. Ce serait inutile, et on travaille avec un rayonnement dans l'infrarouge. Donc là, sur la table, on voit quelques couleurs, on voit un laser vert, on voit un laser bleu, qui sont des différents effets non linéaires qu'on utilise pour générer nos photons. Mais in fine, on va mesurer la lumière infrarouge. Et dans cette longueur d'onde-là, en fait, on a très peu de lumière parasite. Quand on a besoin de faire des mesures vraiment précises, souvent on éteint tout. Mais c'est vraiment un vide de lumière qu'on veut faire, et pas un vide d'air ou de matière. Alors ici, sur ce genre d'expérience, dans ce qu'on a pu obtenir, déjà ce qu'on a pu montrer, c'est quelles étaient vraiment les sensibilités auxquelles qu'on peut atteindre, et surtout montrer qu'on arrivait à les atteindre expérimentalement. Et ce qui est important déjà, c'est de montrer qu'on arrive à les mesurer. Le deuxième point, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient modifier ces fluctuations quantiques du vide. Et ça, c'est vraiment ce qui est capable de faire l'optique quantique, qu'on ne peut pas faire plus difficilement dans d'autres domaines. C'est-à-dire que les fluctuations quantiques du vide, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Heisenberg. Alors, on a des fluctuations identiques dans toutes les directions, amplitude et phase de la lumière. Et nous, on va venir modifier ça. C'est-à-dire qu'on va venir créer un tout petit peu de lumière, très faible, mais qui va faire que quand on va la mesurer, eh bien, on aura moins de fluctuations que dans le vide. Donc on arrive à générer de la lumière localement et temporairement. On arrive, alors on ne peut pas faire les deux, parce que sinon on va violer Heisenberg, mais on arrive à générer de la lumière dont la mesure de position soit plus précise que ce qui est a priori limité par les fluctuations du vide. Donc on arrive à faire une mesure où, bah, si je prends le laser le plus propre du monde, j'ai mon appareil qui me dit bah, je mesure cette précision-là, avec cette incertitude, et on rajoute un tout petit peu de paires de photons, c'est des paires de photons qu'on fait, qui viennent modifier ça, et tout d'un coup, on a une précision améliorée. Donc on vient faire mieux que ce qui est imposé par le vide. Voilà le reportage du jour au laboratoire Kessler-Brossel où vous travaillez, Serge Reynaud. Peut-être du coup, je vais vous demander une réaction à ces protocoles expérimentaux. Ben, donc, ce qu'a raconté très bien Nicolas, il y a rien à y ajouter. C'est effectivement des choses qui là se font depuis à peu près une trentaine d'années. Donc les fluctuations de vide, on les connaissait, on en connaissait des effets. On pourra parler par exemple d'effets en physique atomique si vous voulez plus tard, ou de l'effet Casimir. Mais depuis une trentaine d'années, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures optiques où on a réussi à se débarrasser de toutes les imperfections techniques. C'est le caractère propre de l'optique dont parlait Nicolas. Le fait qu'on arrive plus facilement sur les mesures optiques à arriver déjà au niveau de ces fluctuations quantiques intrinsèques, ce qui signifie qu'on s'est débarrassé des autres causes de fluctuations qui nous gênent d'habitude. Et quand on arrive à faire ça, ben ça veut dire qu'on est déjà à un très bon niveau de précision. Et bien entendu, quand on dit à un physicien qu'il est limité par les fluctuations quantiques, ce qui nous arrivait il y a une quarantaine d'années, ben, ce qui devait arriver arriva, les physiciens disent non, on va battre ses limites, et pour ça on va comprendre très bien les phénomènes, première chose absolument nécessaire, et quand on les aura très bien compris, on va inventer des moyens pour contrôler ces fluctuations, maîtriser ces fluctuations, et les réduire sur certaines observations. Les inégalités de Heisenberg disent que le produit de deux quantités est supérieur à quelque chose, et si c'est l'une des deux qui nous gêne pour notre mesure, on va arriver à réduire cette mesure, quitte à ce que l'autre soit augmenté. Si l'autre n'a pas d'effet dans notre mesure, on va améliorer la qualité de notre mesure, on va faire une mesure plus précise, on va apprendre plus de choses sur le phénomène physique étudié. Patrick Peter, une réaction également à ce reportage? Moi, quand j'entends ce genre de choses, je suis horriblement jaloux, parce que comme je travaille dans la matière de la cosmologie, nous n'avons accès qu'à une observation. Donc on regarde l'univers, on regarde, nous, les fluctuations, et on est limité par ce par quoi on est limité, et puis ça s'arrête là. Cela dit, je sais aussi, mais je ne vais pas m'étendre dans ces domaines-là, mais qu'en effet, les questions de fluctuations de vide et de choses comme ça sont aussi utilisées dans certains domaines purement observationnels. Donc on arrive aussi à battre les incertitudes, en quelque sorte, même du vide, par des méthodes expérimentales invraisemblables, évidemment, comme disait Serge Reynaud, en allant dans une autre direction bien spécifique. Mais effectivement, pour un observateur, il y a de quoi être rempli de jalousie, c'est clair. Ah là, l'éternelle jalousie entre les différents domaines de la physique qui se rejoue sous vos oreilles ébahies, auditrices et auditeurs de la méthode scientifique. On va avancer tout de même un peu, Serge Reynaud, parce que on a entendu donc cette appréhension expérimentale empirique des fluctuations du vide quantique en optique quantique. Il faut évidemment forcément dire un mot de l'effet Casimir, c'est-à-dire finalement de la constatation là aussi expérimentale de la réalité de ce vide quantique. Et puis on parlera également bien sûr du décalage de Lambe qui là va commencer à faire certainement un peu quelques nœuds avec vos neurones. Mais un mot sur l'effet Casimir, Serge Reynaud. Donc l'effet Casimir, c'est un effet qui a été découvert par un physicien qui s'appelle Casimir en 1948, donc à l'époque où les physiciens travaillaient justement sur ces effets des fluctuations du vide. Ils en avaient peu à leur disposition à l'époque, et chacun d'entre eux était un effet important, et il y en avait plusieurs dans ce qui s'est développé à l'époque, qui s'appelle l'électrodynamique quantique, qui est devenue une théorie en soi, où il y a des effets du vide dans de très très nombreux domaines. Donc je vais vous parler de l'effet Casimir. L'effet Casimir, c'est quand on met deux miroirs optiques face à face dans le vide, eh bien ces miroirs vont réfléchir les fluctuations du vide. Donc les fluctuations du vide, là, pour nous, maintenant, c'est les fluctuations du champ électromagnétique qui subsistent à la fréquence, à la température nulle, parce qu'il y a les inégalités de Heisenberg. Donc, il reste du champ. Ce champ se réfléchit sur les miroirs, exerce une pression de radiation sur ces miroirs. Et en fait, les deux miroirs, ils forment ce qu'on appelle une cavité optique. Donc dans cette cavité optique, il y a un côté extérieur, un côté intérieur, et la pression de radiation, elle n'est pas tout à fait la même à l'intérieur de la cavité et à l'extérieur de la cavité. Ça se calcule très précisément, on sait faire ça en tenant compte de tout un tas d'effets que je vous passe ici. C'est des ordres de grandeur extrêmement, extrêmement, extrêmement faibles, hein, bien sûr. Donc l'énergie du vide qui exerce la pression, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, donc elle est grande. Mais par contre, l'effet est petit parce que la pression extérieure et la pression intérieure sont presque égales. Elles sont peu différentes l'une de l'autre, et c'est la différence qui constitue l'effet Casimir. Et en fait, on démontre dans le calcul et on vérifie dans les expériences que la pression extérieure est un petit peu plus grande que la pression intérieure. Donc en fait, la pression provoque une force attractive entre les deux miroirs. Donc quand vous mettez deux miroirs dans le vide à environ un micron l'un de l'autre, eh bien ces miroirs, alors qu'ils sont simplement dans le vide, il n'y a rien d'autre, ils sont attirés l'un vers l'autre. Et ça, c'est pour l'effet Casimir. Et un mot, et donc qui est une preuve expérimentale de ces fluctuations quantiques du vide. Et un mot peut-être également, Serge Reynaud, à propos du décalage de Lambe, où là, on constate directement sur la structure des atomes d'hydrogène l'effet de ces fluctuations quantiques du vide à l'intérieur de l'atome. Voilà, c'est fascinant. Même, moi, je trouve ça formidable. En gros, les mêmes mécanismes dont je viens de parler, mais au lieu de mettre des miroirs macroscopiques dans le vide, vous considérez que vous mettez des atomes. Quand vous avez des atomes dans le vide, ils sont couplés aux fluctuations du vide. Ça a des conséquences très importantes, par exemple l'émission spontanée, c'est-à-dire l'émission de fluorescence qui est pratiquement la lumière qu'on voit arriver à nos yeux un des mécanismes les plus importants qui la fabriquent, c'est le phénomène de fluorescence, c'est de l'émission par les atomes provoquée par les fluctuations du vide. Si vous mettez deux atomes dans le vide, il y a un effet du même genre que l'effet Casimir, qu'on appelle dans ce cas-là effet Casimir-Polder, qui s'apparente aux forces de Van der Waals. qui ont un rôle très très important en physico-chimie, aux interfaces biologiques, enfin dans des tas de domaines, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et si vous mettez un seul atome dans le vide, eh bien cet atome, il est lui-même composé d'un noyau et d'électrons, et les électrons sont couplés aux fluctuations du vide, qui les font donc un petit peu vibrer en plus de leur mouvement autour du noyau, et ces vibrations provoquent un déplacement des niveaux d'énergie. Mmh. Déplacement qui est tout petit, le déplacement de l'ambe, il est petit par rapport aux fréquences de transition atomique, mais il est mesuré de façon extrêmement précise par les techniques de spectroscopie atomique depuis l'ambe en 1948, et de façon de plus en plus précise sur un très grand nombre d'objets microscopiques. Et à nouveau, c'est des effets des fluctuations du vide. Donc les fluctuations du vide, on les voit dans de très très nombreux domaines, depuis la physique microscopique jusqu'à la physique macroscopique. Et si on passe de l'autre côté, à la physique précisément macroscopique et ultra macroscopique, et si on s'intéresse à la cosmologie, il y a quelque chose d'assez passionnant aussi quand on s'intéresse au vide quantique cosmologique, c'est ce qu'on appelle la catastrophe du vide. Patrick Peter, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi là il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas du tout, qui fonctionne pas du tout à 120 ordres de grandeur d'écart? Oui, alors ce que vous appelez la catastrophe du vide, en fait, c'est ce que nous on appelle le problème de la constante cosmologique, qui, comme vous le dites, si on suppose en effet que la constante cosmologique est due aux fluctuations quantiques du vide et notamment celle des fluctuations de point zéro, on obtient une assez grosse différence entre le calcul qu'on est amené à faire, qui sont des calculs assez compliqués de théorie quantique des champs, et le résultat qu'on mesure, qu'on a commencé à mesurer à partir de 1998, où on s'est assuré qu'effectivement l'univers était accéléré et que cette accélération était due à l'existence d'une constante cosmologique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était pas forcément lié aux fluctuations quantiques du vide. D'abord parce que, alors bon, vous mentionnez, c'est vrai qu'on trouve partout ce chiffre de 120 ordres de grandeur. En réalité, c'est un calcul naïf qui donne ça. Oui. Il faut préciser ce que c'est exactement. Ces 120 ordres de grandeur, c'est la différence entre quoi et quoi précisément? Oui, alors les 120 ordres de grandeur, c'est si on fait un calcul. Alors je tiens à préciser tout de suite que c'est un calcul qui est en fait erroné. Donc en réalité, l'erreur n'est pas aussi grande que ça, mais elle est importante quand même, et il y a quand même pas mal d'ordres de grandeur. Mais la différence, c'est quand on fait le calcul de l'énergie du vide, spontanément et naturellement, on s'attendrait à trouver, du fait des forces de gravitation, quelque chose qui serait proportionnel à une certaine puissance de la masse de Planck. La masse de Planck, c'est ce que vous arrivez à former quand vous prenez une certaine combinaison de la vitesse de la lumière, de la constante de Planck et de la constante de Newton. Et ça vous donne quelque chose qui est de l'ordre de 10 microgrammes à peu près, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça représente une énergie absolument considérable. C'est ça qui sont les 120 ordres de grandeur. Alors en fait, ce n'est pas ce résultat-là que vous obtenez si vous faites le calcul proprement. Ça, c'est vraiment un calcul naïf qui donne ça. Mais il n'empêche qu'on trouve quand même un résultat beaucoup plus gros que ce qu'on mesure. C'est amusant parce que... Si... Pardon, allez-y, je vous en prie. Non, je voulais juste finir parce que justement pour faire le lien avec ce que disait Serge Reynaud, l'effet Casimir, il y a eu notamment, comme on voit un effet extrêmement petit, basé sur des nombres initialement très grands, il y a eu des gens qui ont pensé que peut-être cette constante cosmologique était liée à un effet Casimir, c'est-à-dire que ils ont imaginé que l'univers était là encore comme une certaine cavité, avec des dimensions supplémentaires en l'occurrence, mais n'est pas la question, et que l'univers était lui-même une cavité, et dans laquelle en fait il y avait une autre cavité autour, et c'est les différences de pression, encore une fois les deux pressions eussent dû être absolument gigantesques, mais la différence était minime et aurait pu être la constante cosmologique. Ça fait partie des explications qui sont proposées pour cette constante cosmologique. J'ai beaucoup de questions encore, mais je pense que ça vaudrait le coup de refaire une émission complète sur toutes ces questions liées au vide quantique, tellement elles sont nombreuses. nombreuses. Mais comme on arrive à la fin de cette émission, j'ai une question que j'aimerais vous poser, puisque on a vu que ces fluctuations quantiques du vide étaient à même de créer des duos particules antiparticules qui s'annihilent dans des temps extrêmement brefs. Est-ce qu'on peut imaginer, un peu comme il se passe à l'horizon des événements d'un trou noir, qu'à un moment donné ce duo particules antiparticules ne s'annihile pas mais soit séparé, et donc de facto est-ce qu'on peut considérer qu'avec un certain niveau d'énergie, avec un laser mettons particulièrement puissant, je pense à Gérard Mourou, on puisse être capable aujourd'hui de faire claquer le vide, c'est-à-dire de créer de la matière à partir de rien, Serge Reynaud? Alors, c'est bien sûr des projets qui sont étudiés. On sait fabriquer des paires particules-antiparticules. La physique particules fait ça depuis de nombreuses années. C'est un des moyens d'étude des propriétés de ces particules, en particulier la physique de l'antimatière, c'est-à-dire les antiparticules, celles que nous n'avons pas habituellement dans notre environnement. C'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important. Il y a des expériences là-dessus, par exemple auprès du CERN. C'est un sujet magnifique et intéressant. On sait les fabriquer. On pourrait théoriquement les fabriquer en envoyant des photons suffisamment lumineux dans le vide. Ça fait partie des projets. Sur lesquels les gens travaillent depuis un certain temps. Ça demanderait un niveau d'énergie qu'on n'est pas capable de produire encore, me semble-t-il. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est fabriquer de l'antimatière, donc des anti-électrons. Et quand l'anti-électron... donc ça, c'est une opération qui se fait en particulier au CERN. Il y a beaucoup d'expériences qui se font de cette façon-là. Et à la fin, quand l'anti-électron rencontre de la matière... se produit l'effet inverse, c'est-à-dire l'annihilation de l'anti-électron par la matière, qui produit une quantité d'énergie colossale, parce qu'à cette échelle, ça relâche l'énergie de deux masses électroniques, donc ça génère des quantités énormes de particules, ce qui fait d'ailleurs que ce processus est détecté facilement par les techniques de la physique des particules. Donc il y a beaucoup d'expériences, mais elles sont essentiellement destinées à vérifier, par exemple, la symétrie entre la matière et l'antimatière, qui est un vrai problème, parce que dans la théorie telle qu'on a aujourd'hui, il y a symétrie entre la matière et l'antimatière, mais dans l'univers qu'on a sous les yeux, il n'y a pas cette symétrie. Donc, il y a un problème à expliquer également, là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Serge Reynaud, merci Patrick Peter d'être venu nous parler du vide quantique. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je vous l'avais dit, ce vide quantique est particulièrement plein. On y reviendra certainement dans une prochaine émission. Un mot pour vous dire, puisqu'on a parlé entre autres d'espace, que la chance demain, si vous le souhaitez, si vous êtes à Paris en région parisienne, de faire une petite rencontre autour du livre que j'ai coécrit avec Mathieu Lefrançois, L'espace, aux éditions EPA. Ce sera à la librairie Équipage, 61 rue de Bagnolet. On vous met toutes les coordonnées sur le fil Twitter de l'émission, évidemment en respectant de très très près, vous nous connaissez, les règles sanitaires, donc il n'y aura pas beaucoup de place, mais si jamais vous voulez passer faire un coucou, ce sera avec plaisir que je viendrai à votre rencontre. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Alexandre Morales, Natacha Triou, Noémie Agathe-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Laurie Lacheron à la technique. Demain, nous parlerons pharmacologie et épigénétique, comment influer sur l'épigénome, ces modifications, vous savez, environnementales de notre ADN, et notamment dans le traitement des cancers. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.